الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 67 dans l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh et les commentaires sur ce charh de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Et on a commencé au dernier cours le nouveau chapitre 6 qui s'intitule Babun tafsir al-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'explication ou de l'interprétation du tawhid. Qu'est-ce que ça signifie, le tawhid, et le témoignage de la ilaha illallah. Donc, on a commencé l'introduction de ce chapitre au dernier cours avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. On va continuer parce qu'on n'avait pas fini. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il disait ولا يأتي ذكر لتوحيد الألوهية أبدا. Qu'est-ce qu'il veut dire par on va recommencer à partir du début. Il dit à propos des gens de bid'ah, parmi les gens de kalam, hein, il dit التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط ولا يدخلون فيه توحيد الألوهية وبنوا كتبهم على هذا. فأي كتاب تقرأه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبية ولا يأتي ذكر لتوحيد الألوهية أبدا وهذا ليس هو التوحيد ولو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين لأنهم يقرون به وصارت دعوة الرسل لهم إلى إلى التوحيد وقتاله لهم في غير محله لأنهم موحدون ويثبتون توحيد الربوبية ولأجل تلافي هذه الأخطاء لا بد أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد المطلوب وما هو الشرك المنهي عنه حتى يكون على بصيرة من أمره ولا يلبس عليه هؤلاء وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة والتوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة والشرك أيضا يفهم من الكتاب والسنة لا من اصطلاحات الناس واعتباراتهم والتسمياتهم لأنها لا قيمة لها إلا ما وافق الكتاب والسنة ولذلك المصنف رحمه الله جاء بآيات أربعة وحديث في تفسير التوحيد. Donc on va traduire cette partie là. Le cheikh explique à propos de ces gens de bid'a, il dit à leur sujet que pour eux le tawhid c'est uniquement le tawhid dans la rububiyya, tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie seulement. C'est-à-dire que ça consiste uniquement pour eux, pour être quelqu'un qui a établi le tawhid, ça veut dire pour eux que tu as cru que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, celui qui contrôle tout. Et que si tu as affirmé ça, ça suffit pour être sur le tawhid. Même si parmi eux, il y en a qui, par exemple, vont prier à des tombes ou à des morts, ou demander l'intercession à des saints ou à des hommes pieux qui sont morts et enterrés, ça pour eux, ce n'est pas en contradiction avec le tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid al-uluhiyya pour eux n'a pas de réalité. Ils ne croient pas en tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pour eux, ça fait pas partie du tawhid. L'important pour eux dans le tawhid, c'est de reconnaître que Allah existe et de reconnaître qu'il est unique et que c'est lui le seul maître et le seul créateur. Si tu crois ça, alors tu es sur le tawhid, hein, même si tu pratiques le shirk dans l'adoration. Donc c'est ce que le cheikh explique ici. Il dit ces gens-là, ils pensent que le tawhid c'est seulement la rububiyya et ils ne font pas rentrer dans le tawhid l'adoration, le tawhid de l'adoration. Et ils ont basé leurs livres sur ça. Donc, les livres de ces gens, parmi les gens de Kalam, ils ont écrit des livres sur le Tawhid, ou ce qu'ils prétendent être le Tawhid. Et dans ces livres-là, hein, les livres des Asha'ira, les livres des Maturidiyya, qui parlent de Aqida, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leurs livres au sujet du Tawhid, eh bien, tu constates que pour eux, le Tawhid, c'est seulement la Rububiyya. Hein? Et le Cheikh, il dit donc que leurs livres sont basés là-dessus et ils ne se concentrent que sur ça. C'est comme si toute leur discussion et toutes les preuves qu'ils essaient de ramener dans les questions du Tawhid dans leurs livres, c'est uniquement pour essayer d'établir la preuve que yani, Allah est unique et c'est lui le seul créateur. Et les autres aspects du Tawhid, ils n'en parlent pas. Il n'y a aucune mention dans leurs livres du Tawhid dans l'adoration. Et le Cheikh, il dit qu'en réalité, c'est pas ça le Tawhid. La réalité du Tawhid, c'est pas le Tawhid dans la Rububiyya. Parce que si c'était le cas, eh bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire que même les mushrikoun, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des gens du Tawhid aussi. Puisqu'ils reconnaissaient que Allah est le créateur et le seul maître. Et il y a plein de versets qu'on a lus au dernier cours, hein, et dans des cours précédents, qui ont clarifié ce point-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans plusieurs versets, « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront « Allah ». Donc, ils reconnaissent que Allah, c'est le créateur. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'ils lui donnent des partenaires et des associés dans l'adoration. Donc ici, le cheikh, il explique par la suite donc, que si ces gens-là, ils pensent que le tawhid, c'est seulement dans la rububiyya, et que l'uluhiyya, ça ne fait pas partie du tawhid, alors on doit les considérer des muwahhidin eux aussi, qu'ils sont sur le tawhid eux aussi. Alors ça veut dire que, dans ce cas-là, tout l'effort que les messagers ont fait pour appeler au tawhid et pour combattre les mushrikin n'avait pas lieu d'être. Hein? C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces gens-là au tawhid alors qu'ils étaient déjà sur le tawhid. Et pendant 13 ans à Mecca, il les a appelés à dire la ilaha illallah alors qu'ils reconnaissaient déjà que Allah est unique et que c'est lui le créateur. Alors pourquoi il a passé toutes ces années à les appeler à cela s'ils reconnaissaient déjà ça, hein? Et en même temps, pourquoi il les a combattus par la suite pendant toutes ces années? Hein? Puisque, yani, selon eux, le tawhid, c'est la rububiyya seulement. Eux, ils ont déjà cru en la rububiyya. Donc, pourquoi les avoir combattus pendant ce temps-là, hein? Pendant toutes ces années? Donc, le cheikh, il explique, il dit pourquoi? Parce que, en réalité, ces gens-là, si on se base sur la aqida de ces gens de bid'a, qui pensent que la rububiyya, c'est ça le tawhid, eh bien, ils n'avaient pas le messager n'aurait pas dû combattre les mushrikins, parce qu'en réalité, ce n'étaient pas des mushrikins, c'était des gens qui ont cru au tawhid. Et donc, à cause de cette erreur dans leur conception de la réalité de ce qu'est le tawhid, eh bien, on constate en réalité que ces gens-là, en réalité, ils sont totalement perdus et ils ne distinguent pas entre le vrai et le faux, parce que leur conception du tawhid, elle est complètement erronée. Et le cheikh, il dit que c'est pour cette raison-là qu'il faut que chaque personne apprennent et comprennent ce qu'est le tawhid et ce qui est exigé par le tawhid. Et non seulement de connaître le tawhid, mais également de savoir ce qui est opposé au tawhid et ce qui est shirk. Hein? Parce que si quelqu'un connaît le tawhid, mais il ne sait pas ce qui s'y oppose, parmi les exemples du shirk, eh bien, il ne pourra pas s'en préserver. Et donc, il, en connaissant et en ayant connaissance de la réalité du tawhid et de la réalité de ce qu'est le shirk, eh bien, il va pouvoir être sur sa religion avec connaissance et avec compréhension. Et les gens de bid'a et les gens de shirk ne vont pas pouvoir être capables de le confondre dans sa religion et de le mélanger à propos des questions de la foi en Allah et du tawhid. Mais il dit, Ce genre de conviction et de compréhension ne pourra être acquise excepté si quelqu'un prend le temps de réfléchir et de méditer sur le Coran et sur la Sunna. Parce que le tawhid doit être pris dans le Coran et dans la Sunna. Et le shirk, et la réalité de ce que ça signifie, hein, et la compréhension de ce qu'est le shirk, eh bien ça aussi, ça doit être tiré du Coran et de la Sunna, et non pas des conventions que les gens ont inventées, et des terminologies et des appellations qu'ils ont prédéterminées par eux-mêmes, hein, et qu'ils ont définies par eux-mêmes de façon arbitraire. Hein. Donc ça n'a aucune valeur en réalité, excepté si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Parce que la référence et la base pour les musulmans, c'est uniquement ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Tout ce qui est en contradiction avec ça, c'est à jeter à la poubelle. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, وَلِهَذَا hein, وَلِذَلِكَ. Donc c'est pour cette raison que l'auteur, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté dans ce chapitre 4 versets dans le Coran et un hadith pour expliquer la signification du tawhid et de la ilaha illallah. Donc on voit comment le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans sa méthodologie, comment il procède pour établir les fondements et les principes qu'il ramène au sujet de la religion de l'islam. Eh bien, il ne ramène pas de philosophie ou bien des idées de lui-même ou bien des compréhensions qu'il a tirées de sa propre tête. Non, il ne fait que rapporter des preuves qui sont tirées des textes du Coran et de la Sunna et des narrations des salafs qui viennent supporter hein, l'interprétation et l'explication qu'il ramène. Et donc ça, c'est important pour comprendre comment doit être établie la aqida de l'islam chez les musulmans. Parce que malheureusement, beaucoup de gens se sont basés sur la logique ou sur la raison ou sur ce qu'ils prétendent être la raison parmi les règles soi-disant de rhétorique grecque de l'Antiquité, comme par exemple chez certains philosophes. Et ils se sont basés sur ce que ces philosophes-là ont mis par écrit dans leurs livres comme règle au sujet de la raison. Et ils essaient d'appliquer ça à la foi en Allah et la foi en la religion. Et donc, ils interprètent la religion selon ces philosophies-là. Et ce qui fait que par la suite, ils ont affirmé ce qu'Allah a nié et nié ce qu'Allah a affirmé. Et ils ont nié ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, et ils ont affirmé ce que le messager a nié, et par conséquent, ils sont tombés dans l'égarement, et ils ont égaré avec eux beaucoup de gens qui les ont suivis dans cet égarement-là. Allah al-Musta'an. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc, « قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول من عطف الدال على المدلول. Donc il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit عطف الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول وهو التوحيد من أجل البيان أيضا لبيان أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله. Donc ici le Cheikh il explique que dans le titre du chapitre, on voit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a utilisé deux choses, ou deux, il a expliqué, ou il a mentionné deux principes. Il a dit le tafsir du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Et entre le tawhid et le témoignage de la ilaha illallah, il a utilisé la conjonction « waou », hein, le « waou », il a utilisé entre les deux, qui signifie en français « et ». Hein. Donc, l'explication du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Et qu'est-ce que signifie, quand on dit par exemple ici, ces deux principes-là qui sont mentionnés l'un après l'autre, et qui est séparé par cette conjonction ici, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il dit que c'est pour relier l'indiquant de ce qui est indiqué. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que en réalité, la ilaha illallah, hein, c'est la signification. Et qu'est-ce qui est établi, l'explication, et qu'est-ce qui établit le tawhid. Le tawhid. Parce que la ilaha illallah, hein, c'est en réalité le tawhid. Et c'est ce qui explique qu'est-ce que le tawhid. Donc, ici, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a voulu faire comprendre que le tawhid, c'est l'explication en réalité de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est le tawhid. Et qu'il n'y a pas de différence entre le tawhid et la ilaha illallah. Et même que dans le hadith, justement, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'az ibn Jabal au Yémen, hein, on a parlé de ce hadith-là dans les chapitres précédents. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, hein, on t'envoie à des gens du livre, il a dit, « فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ » Et dans une autre narration, il a dit, il a yani falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Donc dans une narration il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils établissent le tawhid d'Allah, an yuwahhidu Allah. Donc wahada yuwahhidu tawhidan. Tawhid, c'est le masdar du verbe wahada yuwahhidu, qui veut dire de rendre quelque chose un ou de faire quelque chose un. Et c'est-à-dire, hein, le masdar du tawhid, qui veut dire d'unifier quelque chose. Et dans l'autre narration, il a dit, يعني فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la première chose à laquelle tu les appelles, soit qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc en réalité, dans ces deux narrations-là, il y a, hein, justement, l'explication du fait que la ilaha illallah, c'est l'explication du tawhid. Hein, et que le tawhid, c'est la ilaha illallah. Donc souvent, il y a des gens de bid'a qui ont dit, non, le tawhid, ça fait pas partie de l'islam. Il n'y a pas le mot tawhid mentionné dans le Coran ou la sunna. Et ici, justement, dans ce hadith, il y a la preuve que ce que ces gens-là disent est faux, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Il a un yuwahidullah. » Hein? Donc, « wahada yuwahidu », le masdar, c'est « tawhidan ». Tawhidan. Et donc, le tawhid, ça fait partie de l'islam, puisque c'est la base même de l'islam. Et c'est l'explication du témoignage, comme on l'a dit, de « la ilaha illallah ». Donc, ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط من على من غالط في معنى في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل. Donc ici, le cheikh, il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que parce que le tawhid, c'est la signification de la parole, de cette noble, de cette grande parole, qui est la parole de la ilaha illallah. Donc le tawhid, c'est l'explication de la ilaha illallah. Et on peut le comprendre parce que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné comme verset et hadith à ce sujet. Il y a dans ces versets, dans ce hadith, un surplus d'explications et le fait que on découvre, on arrive à clarifier, disons, ce qui a été confus des questions qui ont rapport avec le tawhid ou des choses que certaines personnes n'ont pas compris par rapport au tawhid est clarifié par ces versets et par ce hadith. Et il y a également dans ces versets et dans ce hadith l'établissement de la preuve contre ceux qui interprété cette signification de la ilaha illallah de façon erronée et qui ont faussement interprété cette parole parmi les gens de l'ignorance et parmi les gens de la déviation. Donc ici, le cheikh Al-Fawzan, il dit dans un point par rapport à ça, il dit « وَفِي بَعْدِ النُّسَخْ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَالْإِلْحَادِ وَهَذَا خَطَأٌ مَطْبَعِ وَالصَّوَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْإِلْحَادِ » Donc il dit dans certaines versions de Qurrat Uyun al-Muwahidin, ils ont écrit yani, de ceux qui ont fait une erreur ou qui ont interprété faussement le témoignage de la ilaha illallah parmi les gens du jihad et de l'ilhad. Hein? Mais il dit ça c'est une erreur, une faute d'impression. La vraie phrase c'est qu'est-ce qui a été confirmé par cette édition, c'est-à-dire les gens de l'ignorance, al-jahl ou al-ilhad, et non pas le jihad, hein? C'est al-jahl. Donc ça c'est une clarification à propos de ça. Ensuite il dit وَهَذِهِ الْآيَةِ بَيَّنَتْ. Donc on va commencer par expliquer le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. Il dit وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أي أولئك الذين أولئك الذين يدعوهم يعني أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزيز نعم فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وترك ما نهى عنه وأقرب القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره وذلك هو توحيده. Donc on va traduire ce passage. نعم. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il explique. Il cite le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est dans Surat al-Isra. Et c'est le verset 57. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à propos des mushrikines, ceux qu'ils invoquent, hein, ceux que les mushrikines invoquent, cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde, hein, et craignent son châtiment. Donc ici, dans ce verset, le cheikh il explique que, qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie que ceux-là, parmi les mushrikines, hein, qui invoquent des êtres en dehors d'Allah, ils font le shirk. Hein, ils font le shirk en invoquant et en appelant ceux qui ne peuvent pas les délivrer d'un mal, hein, ou changer quoi que ce soit de la situation parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les hommes pieux, comme Jésus par exemple, ou sa mère Marie. Hein. On sait que ces gens-là, quand ils ont un malheur, ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à plein d'autres parmi les créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux-là même que ces gens-là sont en train d'adorer en dehors d'Allah, eh bien, quand ceux-là ont un malheur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils se tournent vers Allah. Hein? C'est-à-dire que Allah, le cheikh, il explique, il dit que yani, ces mushrikines, ils invoquent en dehors d'Allah, des êtres qui, eux, se tournent vers Allah et demandent l'aide d'Allah et savent que seul Allah peut les sauver et peut les aider. Donc, c'est comme si pour établir en même temps la preuve contre eux, en disant, yani, au lieu d'invoquer ces personnes-là et ces créatures qui ne peuvent rien faire pour vous, eh bien, vous devriez faire comme eux. Hein? Quand Jésus il avait un malheur ou une difficulté ou une détresse ou quelque chose, il priait à qui? Il priait à lui-même? Non. Il priait à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il demandait l'aide d'Allah. La même chose pour sa mère, Maryam. Quand elle avait un malheur, à qui elle se tournait? À Jésus? Non. Elle se tournait à Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître de tout, pour demander sa délivrance, pour demander son aide, pour demander son support et son salut. Donc, c'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, laissez tomber ceux que vous êtes en train d'adorer parmi ces créatures-là qui, eux-mêmes, hein, quand ils ont besoin de quelque chose, ils se tournent vers Allah, ils ne se tournent pas vers autre créature. Donc, pourquoi vous les adorez dans ce cas-là? Eux-mêmes, ils m'adorent, alors pourquoi vous les adorez? Pourquoi vous ne m'adorez pas moi comme eux m'adoraient? Hein? Et donc, c'est ça que le verset explique, en fait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces êtres parmi les êtres pieux. En disant que ils cherchent un moyen pour se rapprocher plus encore d'Allah. Donc, ils compétitionnent entre eux pour savoir comment être le plus près d'Allah possible. Et ils recherchent la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sincérité, par son obéissance à ses ordres, et par le fait de délaisser ce qu'il a interdit, et par le fait d'établir la plus grande forme de rapprochement et le moyen le plus grand qui nous permet d'être près d'Allah, et c'est-à-dire le fait d'établir la foi en le tawhid et de pratiquer le tawhid, ce avec quoi Allah a envoyé tous ses messagers et ses prophètes. Hein? Le tawhid, c'est la base même du message de tout ce que les messagers ont enseigné aux êtres humains. Et il leur a ordonné à tous de mettre en pratique ce tawhid à tous les messagers, et il leur a à tous ordonné d'inviter l'humanité à établir le tawhid d'Allah. Et c'est ce qui va les rapprocher d'Allah en avant toute chose. Parce que si quelqu'un n'a pas de tawhid, même s'il fait toutes les bonnes œuvres au monde, et même s'il s'écarte de tous les autres péchés, s'il a commis le shirk, yani, il ne peut pas être rapproché d'Allah. Parce que le shirk, ça annule toutes les bonnes œuvres. Et ça détruit tout ce que quelqu'un peut avoir fait comme bien. Et donc, c'est pour ça que le shirk, il explique ici donc, que ce qui rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à la base le tawhid. Donc, c'est ça qui les rapproche d'Allah. Et qui les rapproche de son pardon et de son agrément. Et c'est pour ça qu'il décrit ces gens-là en disant qu'ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont l'espoir en personne d'autre que Allah, et ils ne craignent personne d'autre que lui. Et ça, c'est ce qui représente le fait d'établir son tawhid et son unicité dans l'adoration. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit « لِأَنَّ ذَٰلِكَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُوجِبُ لَهُمُ الطَّمَعُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْهَرَبِ مِنْ عِقَابِهِ وَالدَّاعِي لَهُمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَدْ عَكَسَ الْأَمْرُ وَطَلَبَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يُنْكِرُونَهُ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِي دُعَائِهِمْ لمن كانوا يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. Non, ça c'est un point important aussi. En fait, tout ce que le cheikh il a mentionné dans ce livre, c'est des points importants. Il n'y a que des points importants dans ce livre. Il n'y a pas de choses qui passe à côté de qu'est-ce qui est important. Donc ici le point que le cheikh il mentionne ici, il dit c'est que donc ils établissent le tawhid, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus d'Allah, ils mettent leur espoir en Allah et en sa miséricorde et ils craignent le châtiment d'Allah. Qui ça? Les hommes pieux que ces mouchriquins adorent. Et donc le cheikh il dit c'est cette tawhid qu'ils appliquent qui les empêche de faire le shirk et qui leur donne justement cet espoir en la miséricorde d'Allah et qui fait en sorte qu'ils peuvent fuir de son châtiment et s'écarter et s'éloigner de son châtiment. Et ce qui les incite à cela dans cet état, c'est pour expliquer en réalité que ces mouchriquins, eux, ils ont inversé l'affaire. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ont fait le contraire de ces hommes pieux-là. Puisque ils demandent aux hommes pieux et aux personnes pieuses et vertueuses de les sauver ou de les aider en dehors d'Allah. Donc ils font ce que ces hommes pieux leur ont interdit de faire. Tous les prophètes que Allah a envoyés et tous les hommes pieux que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur la terre pour appeler les hommes au tawhid, ils disaient toujours aux hommes, adorez Allah seul et écartez-vous du ta'arut, écartez-vous des idoles, écartez-vous de qu'est-ce que les gens adorent en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose peut être. Et donc, comme par exemple, si tu parles de l'exemple des chrétiens qui prient à Jésus, ou bien d'autres personnes qui prient à, parmi les chrétiens ou des juifs ou autres, qui prient à des anges ou des choses comme ça, les prophètes, ils sont venus pour te dire, prie pas à d'autres que Allah, prie seulement à Allah. Laisse tomber l'adoration des prophètes, laisse tomber l'adoration des anges, laisse tomber l'adoration des statues, des idoles, du soleil et de la lune, des arbres et des pierres, ou peu importe. Et toi, quand ces hommes pieux-là meurent, au lieu de faire comme eux et d'adorer Allah seul et de délaisser les idoles ou de délaisser l'adoration des créatures, toi tu te tournes vers ces créatures-là et tu les adores en dehors d'Allah et tu leur demandes leur aide. Alors tu as inversé l'affaire. Tu adores des gens qui, eux, ont passé leur vie à t'interdire d'adorer d'autres que Allah. Des gens qui toute leur vie ont espéré uniquement en Allah et ont craint uniquement son châtiment et personne d'autre que lui. Et toi, tu te tournes vers eux et tu les crains en dehors d'Allah et tu mets ton espoir en eux et c'est d'eux que tu espères la miséricorde. Donc, tu fais exactement le contraire de ce que ces gens-là t'ont ordonné de faire et le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné, leur a ordonné de t'enseigner. Donc, tu leur demandes ce que eux ont condamné pendant toute leur existence, c'est-à-dire le shirk avec Allah, et de les invoquer en dehors d'Allah. Alors que eux, toute leur vie, ils ont condamné ceux qui invoquaient d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu fais la même chose. Tu invoques d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala en les adorant eux. Et c'est ça la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos des mouchriquins au jour de la résurrection lorsqu'ils vont être devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Au jour de la résurrection, quand les mouchriquins vont être ressuscités devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, en dehors de moi, où sont-ils? Et quand ils vont dire, mais c'est eux qu'on adorait en dehors d'Allah. C'est eux qu'on adorait en dehors d'Allah. Et eux vont renier cette adoration-là. Ils vont dire, nous, on n'avait rien à faire de votre adoration. Et on ne vous a jamais ordonné de nous adorer. Au contraire, on a condamné cette adoration-là. Pourquoi vous avez fait ça alors qu'on vous avait interdit de le faire? Alors imaginez leur situation. Imaginez comment ils vont être. Au jour de la résurrection, devant ceux qu'ils ont adorés, devant ceux qu'ils adoraient, alors que ceux qu'ils adoraient vont les abandonner ce jour-là Ils vont renier ce que ces gens-là faisaient en leur nom. Ils vont être dans la pire des situations ce jour-là. Parce qu'ils mettaient tout leur espoir en ces créatures-là. Et au jour de la résurrection, ils sont abandonnés complètement par ceux qu'ils adoraient. Allah al-Musta'an. Et si ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, c'était des êtres qui étaient pieuses, réellement pieuses, et qui faisaient partie des prophètes et des gens de bien, et qui appelaient au tawhid, oui, ils vont être abandonnés par eux, et ils ne pourront rien faire pour eux, parce que c'est des gens qui étaient dans le shirk. Mais si ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, c'était réellement des tawarit, hein, des idoles, ou bien des shayatin, qui demandaient l'adoration des hommes, hein, qui leur demandaient de les adorer en dehors d'Allah, alors là, hein, ça c'est, il y aura yani, l'humiliation totale pour les deux. Pour l'adoreur et l'adoré. Pour l'idole, ou pour celui qui était un shaitan ou un tarot qui appelait les autres à l'adorer, et pour ceux qui l'adoraient aussi. Les deux vont être hein, dans la pire des situations. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset que le cheikh a cité, dans surat al-Ahqaf, le verset 6, et lorsque les hommes, Allah dit ce qui signifie, et lorsque ils seront ressuscités, hein, lorsque les hommes seront ressuscités, ils seront ennemis, hein, ils seront leurs ennemis, et ils vont renier l'adoration qu'ils leur vouaient, hein, qu'ils leur offraient. C'est-à-dire que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, hein, quand ils vont être au jour de la résurrection devant Allah, ils vont demander leur aide, ils vont dire « aidez-nous parce que là, c'est le jugement dernier et on a besoin de votre aide pour passer devant Allah. » Et eux vont être leurs ennemis. « On ne vous a jamais connu, on ne veut rien savoir de vous. Hein? » Et on est votre ennemi, on ne veut rien savoir. Et on renie tout ce que vous avez fait comme adoration pour nous. Hein? C'est ça la réalité. Et c'est ça la réponse de tous ceux qui ont prétendu hein, faire de l'adoration des êtres humains ou des créatures en dehors d'Allah et qui pensent, comme le cheikh il dit, ceux qui prétendent que le shirk des mushrikines c'était seulement d'adorer des idoles. C'est pas vrai. C'est pas seulement l'adoration d'une idole qui est shirk. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là, que si tu adores un être humain qui était pieux et qui faisait des bonnes œuvres, ça c'est pas du shirk. Ils disent, c'est pas du shirk. Ils disent, le shirk c'est juste de se prosterner devant une statue. Et si tu te prosternes pas devant une statue, c'est pas du shirk. Qui vous a dit ça? Hein? Et les chrétiens par exemple qui prient à Jésus, est-ce que ça c'est une statue? Hein? Comme je disais la semaine passée, j'expliquais ça, la semaine d'avant, quand je donnais les cours, je parlais d'une vidéo qu'un frère m'a envoyée. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle un pasteur protestant détruit une statue de Marie devant devant son assemblée. Donc il est en train de prêcher, il est en train d'expliquer, il a ramené en avant de l'église, en avant de sa salle de prière ou de je sais pas comment il l'appelle. Ils ont ramené une grosse statue de Marie. Et vous savez qu'entre les protestants et les catholiques, il y a toujours des débats et des conflits. Hein? Il y a beaucoup de disputes entre eux. Et même que des fois, tu vois, il y a des débats qui ont été filmés entre les catholiques et les protestants et ils les ont mis maintenant sur Internet. Et c'est drôle à écouter parfois parce que tu vois comment des koufars qui se disent tous les deux chrétiens qui sont en train de se débattre hein, l'un contre l'autre pour prouver à l'autre que hein, qui est le vrai chrétien? Ça, en les écoutant, on apprend beaucoup de choses qui montrent clairement la fausseté du christianisme. En les écoutant, ces chrétiens se débattent les uns les autres. C'est comme ça qu'on arrive justement à découvrir beaucoup des faussetés de la religion catholique et de la religion protestante en même temps. Parce que en fait, c'est comme s'ils sont en train de se dévoiler les uns les autres. Et donc, c'est ça. Les protestants, ils disent, les catholiques sont dans l'égarement parce qu'ils prient à Marie. Et Marie, c'est un être humain. Et ça, c'est une idole. Et quand vous priez à la statue de Marie, ça, c'est de l'idolâtrie. C'est du shirk. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau ou quelque chose, puis il casse la statue de Marie devant l'assemblée. Et là, tous les protestants sont contents, ils rient, ouais, c'est bon, il faut détruire les idoles. Hein? Ils sont contents de ça. Et il a raison, parce que c'est une idole pour de vrai. Sauf que Jésus aussi, c'est une idole si tu l'adores en dehors d'Allah. Dans le sens que c'est pas seulement une idole quand elle est en plâtre, ou bien en bois, ou bien en pierre, tu dis ça c'est une idole. Mais si elle est en chair et en os, hein, tu dis non, ça c'est pas une idole. Une idole, ça peut être aussi un être humain vivant. Ça peut être aussi un être humain vivant. Hein? Allah al-Musta'an. Ça peut être un ange. Si tu adores un ange en dehors d'Allah, cet ange-là devient une idole pour toi. Si tu adores le shaitan, ce shaitan devient une idole pour toi. Est-ce que le shaitan est une idole? Il peut devenir une idole si tu l'adores en dehors d'Allah. Et tout ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est le shaitan qui est derrière, de toute façon. Même quand tu adores Jésus. Si tu pries à Jésus, tu adores en réalité le shaitan, le diable. Parce que c'est le diable qui t'incite à adorer autre que Allah. Si tu adores Marie, en réalité, tu adores le shaitan. Parce que c'est le shaitan qui est derrière l'adoration de cette créature en dehors d'Allah. Ça, c'est du shirk. Hein? Tout ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk. Et j'ai déjà raconté cette histoire une fois par rapport à ma grand-mère, hein, qui était catholique, la mère de ma mère. Subhanallah, je lui parlais, je lui expliquais le tawhid et la foi en les messagers, on discutait. Puis elle disait... la Trinité, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Elle dit, le prêtre nous a dit, la Trinité, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, mais en lequel il faut croire. Hein? Et le seul moment où on va comprendre ce mystère, c'est quand on va être mort. À la résurrection, on va comprendre. Et j'ai dit, grand-mère, tu sais qu'à la résurrection, il va être trop tard. Ça va être trop tard pour revenir. Hein? Et je lui disais, quand tu pries, elle dit, j'étais dans la chambre et j'ai vu apparaître Marie. Elle était belle, elle était blanche, elle était brillante, hein, avec des beaux vêtements. Et elle était au pied de mon lit et elle est apparue. Je lui ai dit, ça c'était le diable. J'ai dit, c'était le diable que tu as vu. Hein, c'était le shaitan. Elle a dit, non, hein, le diable ne peut pas être beau comme ça. Donc les gens, ils ont l'idée que le diable, si tu le vois là, il faut qu'il soit répugnant, laid, hein, et dégoûtant en apparence. Donc si tu vois une image qui est belle, ça veut dire que ce n'est pas le diable. Or, le diable peut prendre une belle image pour t'égarer et puis te faire tomber dans le shirk. Mais ça, c'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Hein. Ils pensent que le diable, il va venir avec son apparence réelle pour te faire peur ou pour t'éloigner de lui. Non, hein? Le shaitan, il est rusé. Hein? Quand il est venu aux premiers parents, il leur a dit, à Adam et sa femme, il leur a dit, je suis un conseiller fidèle et honnête pour vous deux. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas venir te dire, moi, je veux t'amener en enfer, là, suis-moi. Hein? Je suis seulement un menteur, je veux que vous soyez dans l'enfer avec moi. Il ne va pas dire ça. Il est beaucoup plus intelligent et rusé que ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, mais non, moi, je viens pour ton bien. Hein? Il dit, la seule raison pourquoi... Allah voulait vous interdire ça, c'est parce qu'il voulait vous empêcher d'être des anges ou vous empêcher d'être éternel ou je ne sais pas quoi. Yani, il leur raconte n'importe quoi, juste pour leur faire désobéir à Allah. Et en fait, en réalité, le shaitan, il n'en a rien à faire de la raison ou de l'excuse pour laquelle il te fait pécher. C'est-à-dire qu'il va te raconter n'importe quoi. L'important pour lui, ce n'est pas savoir pourquoi tu fais le péché, mais c'est d'arriver à te faire le péché, en fait. Et la raison que tu vas mentionner derrière, ou l'explication qui va être derrière ce péché, pourquoi tu le justifies, ça c'est autre chose. Hein? Lui, il n'en a rien à faire de ça. Quand il a réussi à te faire tomber dans la désobéissance, il est satisfait. Hein? Il est content. Non. Ensuite, donc, on va lire maintenant les explications de Cheikh Al-Fawzan. Quand même, on est arrivé où là? Non, il ne reste pas beaucoup de temps. Ok, donc par rapport au verset 57 dans Surat al-Isra, Cheikh Al-Fawzan il dit: هذه الآية بينت أن دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والملائكة شرك وهؤلاء يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط وأما الملائكة والأنبياء والصالحين فيعني ليسوا أصناما ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العبادة مشركين وهذه الآية بعد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وهل هي تخاف عذاب الله وترجو رحمته هل الأصنام كذلك الأصنام جمادات لا يكون الخوف والرجاء إلا من العباد وسمى دعاءهم وعبادتهم شركا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم الزعم هو الكذب زعمتم أيها أن زعمتم أنهم شركاء لله عز وجل هذا زعم باطل من دونه أي غير الله والأمر هنا قل ادعوا أمر تعجيز وأمر استنكار مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا أمر تهديد وتعجيز واستنكار وليس هو طلب ولم يطلب منهم أن يدعو غير الله ولكنه من باب الاستنكار والتعجيز وبيان بطلان هذا العمل فلا يملكون كشف الضر عنكم إذا نزل بكم مرض هذه المعبودات مطلقا سواء كانت من الأشجار أو من الأحجار أو من الملائكة أو النبيين والصالحين كلها لا تملك كشف الضر بعد نزوله وإنما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى ولا تحويلا يعني لا ولا أحد يستطيع نقل المرض من عضو إلى عضو أو من إنسان إلى إنسان أو من بلد إلى بلد لا أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى أوكي on va traduire cette partie là. Le cheikh il explique que donc dans ce verset, il est clarifié que l'invocation d'autres que Allah parmi les hommes pieux, parmi les hommes vertueux, parmi les anges, parmi les saints, tout ça c'est du shirk. Tout ça c'est du shirk. Et que ceux qui disent le shirk c'est seulement d'adorer les idoles, mais que d'adorer les anges, les prophètes, les hommes pieux, ça c'est pas des idoles, donc c'est pas du shirk. Donc ça, c'est une erreur. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le fait de se rapprocher à ces êtres-là, qui sont des hommes pieux, qui sont des anges ou des créatures d'Allah qui sont parmi les croyants, de se rapprocher d'eux par une adoration quelconque. Et ceux qui font ça sont des mushrikines, sont des idolâtres, des gens qui font du shirk avec Allah. Et c'est encore plus évident lorsqu'on regarde le verset qui précède celui qu'on a mentionné, c'est-à-dire le verset 57. Le verset qui vient avant, c'est le verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ce qui signifie, dit au Muhammad, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, en dehors d'Allah. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Hein? Ceux qu'ils invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux, cherchent eux-mêmes la meilleure façon, le meilleur moyen de se rapprocher le plus d'Allah. leur Seigneur. Ils espèrent en sa miséricorde et craignent son châtiment. Et le cheikh, il explique ici par rapport à ça. Il dit donc que quand on regarde ce verset-là, comme il faut, on peut poser la question suivante. Est-ce que les idoles se rapprochent d'Allah ou cherchent le meilleur moyen pour se rapprocher d'Allah? Hein? Est-ce que les idoles craignent le châtiment d'Allah et espèrent en sa miséricorde? Hein? Est-ce que les idoles font ça? Il dit, les idoles, c'est des êtres, c'est des choses inertes, c'est des objets, hein? C'est des choses. Elles n'ont pas de crainte, elles n'ont pas d'espoir. Ceux qui ont la crainte et l'espoir, ce sont les serviteurs d'Allah, les êtres humains. Hein? Et donc ça, c'est la preuve que le fait d'adorer des êtres vivants, ça rentre dans le shirk. De les invoquer en dehors d'Allah, ça rentre dans le shirk. C'est pas nécessaire que ce soit des statues pour que ce soit du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset, « Qulidu alladhina za'amtum » dit au Muhammad, « Invoquez ceux que vous prétendez. Hein? » Et le cheikh, il dit donc ici que « Az-za'm »« Alladhi za'amtum » il dit « Az-za'm » c'est « Al-Kadhib ». C'est-à-dire c'est que le terme, quand on utilise le verbe « za'ama » en arabe, c'est pour désigner le mensonge, en fait. C'est des fausses prétentions. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il disait ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mushrikin, invoquez ceux que vous prétendez de façon mensongère. Hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que cette prétention, elle est fausse. Hein, que vous prétendez que Allah a des partenaires à qui vous pouvez vouer de l'adoration et offrir des actes ou des prières ou des actes d'adoration en dehors de lui. Donc ça, c'est une prétention qui est fausse. C'est une prétention qui est mensongère. Donc tout ce que vous prétendez avoir le droit d'adorer en dehors de lui ou que vous prétendez être un partenaire avec Allah dans l'adoration en dehors de lui, eh bien, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « invoquer » hein, ou bien dis-leur, invoquez ceux que vous pensez être des êtres en dehors d'Allah qui peuvent vous aider ou peu importe. Quand Allah dit invoquez-les, ça ne veut pas dire de les invoquer. Ici, c'est plutôt comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de montrer la fausseté de ce que ces êtres-là ou de ce que ces personnes-là adorent en dehors d'Allah. Ou de ce que ces personnes-là prétendent à propos d'Allah. Et c'est pour montrer en fait qu'ils condamnent ce qu'ils font, ce que ces gens-là font. Ils condamnent ce que ces gens-là prétendent. Ils condamnent ce que ces gens-là disent. Et c'est comme si il leur dit, comme il mentionne dans un autre verset, celui qui veut, qu'il croit. Et celui qui ne veut pas, celui qu'il veut, qu'il croit. Celui qu'il veut, qu'il rejette la foi s'il ne veut pas croire. Hein? En voulant dire que c'est une menace, en fait. C'est une menace. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur ordonne pas ici de prier d'autre que Allah. Mais il est en train de leur dire, si vous prétendez que ce que vous dites est vrai, et que vous prétendez que ces êtres-là, ils peuvent vraiment faire quelque chose pour vous, invoquez-les pour voir. Hein? Et vous allez voir que vos prétentions sont fausses et mensongères, et que ça ne va rien vous donner de le faire. Hein? C'est ça, en fait, le vrai sens de qu'est-ce qui est mentionné ici. La signification, quand Allah dit « invoquez-les », ce n'est pas dans le sens qu'il approuve du fait que ces gens-là invoquent d'autres que Allah. C'est plutôt dans le but de les menacer. C'est comme quand tu dis à quelqu'un « Ok, tu penses que je suis faible hein, et que je suis pas capable de te donner une leçon ?» Alors, Yanni, essaie de me provoquer pour voir. Hein? Essaie de faire qu'est-ce que tu veux pour voir. Et tu vas voir ce qui va arriver. Donc, c'est dans ce sens-là, Yanni. C'est dans le sens de la menace. Ça ne veut pas dire de le faire. Au contraire, ça veut dire ne le fais pas parce que si tu le fais, ça va aller mal pour toi. Hein? C'est grave si tu le fais. Et ici, donc, le cheikh, il dit... C'est pour montrer donc la fausseté de ce qu'ils font Et il dit pourquoi? Parce que il dit fala yamlikuna kashfad durri ankum. C'est-à-dire que ces êtres que vous adorez en dehors d'Allah, même si c'est des êtres pieux, même si c'est des prophètes, même si c'est des anges, ils ne détiennent pas la capacité de vous délivrer d'un mal quelconque qui vous a touché. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tombez malade, eh bien, ces êtres que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent rien faire pour vous. Peu importe qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, que ce soit des arbres, que ce soit des pierres, que ce soit des anges, des prophètes, des hommes pieux, ils n'ont pas le pouvoir de vous délivrer d'un mal quelconque, une fois que ce mal est descendu sur vous. Et le seul qui possède la capacité de vous délivrer de ce mal, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Wala tahwila, wala tahwila, c'est-à-dire, nul d'entre eux non plus n'est capable de déplacer ce mal, de déplacer ce mal ou de le faire se déplacer ailleurs. Dans le sens que, par exemple, ils ne peuvent pas transférer la maladie d'un membre à un autre, ou d'un être humain à un autre, ou d'un pays à un autre. Le seul qui est capable de faire ça, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à ça, justement, comme on parlait, il y a un chapitre dans lequel, plus loin, là, dans le Kitab al-Tawhid, Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de... justement, le cheikh, il mentionne un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il n'y a pas de contagion. La adwa. Et Cheikh Al-Fawzan et plusieurs d'entre eux, les ulama ont expliqué la signification de ce hadith. Ils ont dit que vous ne devez pas penser que une maladie quelconque peut se propager d'elle-même. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide à qui cette maladie-là va aller et qui va être affecté par cette maladie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre notre confiance en Allah et de prendre les précautions pour éviter sa propagation. Mais de ne pas penser que la maladie, elle agit par elle-même. Et ça m'a fait rire parce que des fois, j'ai entendu des scientifiques, je ne sais pas si c'est des scientifiques ou quoi, mais en tout cas, parce que des fois, les gens là, qui se disent scientifiques, ils sont scientifiques, mais quand ils parlent de certains sujets, parfois, ils oublient la science au moment où ils sont en train d'expliquer parce que d'une certaine façon, ils essaient d'être scientifiques, mais ils ne sont pas capables de l'être à tout moment. Puisque tôt ou tard, la réalité, elle sort de leur bouche, qu'ils le veuillent ou non. Et donc, c'est comme j'écoutais certains d'entre eux qui disaient « Ah, ce virus-là, il est intelligent. » Il dit « Comment le virus est intelligent ?» Quoi, est-ce que le virus, il a une conscience ? Est-ce que ce virus, il a une volonté ? Est-ce que ce virus, il a une intelligence pour savoir qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que le virus, il flotte quelque part dans l'air ou quand il est sur une table ou quelque chose, il commence à viser quelqu'un, dire « Ah, lui, là, je vais aller l'infecter, je vais rentrer sur lui, là, puis je vais l'envahir. » Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Il n'y a pas de volonté derrière ce virus-là. C'est un objet, une chose inerte. Elle n'a pas de capacité ou de volonté ou de... Même elle ne peut même pas décider où est-ce qu'elle va, quand est-ce qu'elle va, comment elle bouge, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle va à droite ou à gauche, en bas ou en haut, en avant, en arrière. Rien de ça. Allah musta'an. Ala kulli hal. Le cheikh, il dit ensuite, donc, Isaacan, Kadalik. Donc, écoutez, on va arrêter ici parce que le temps est arrivé pour qu'on s'arrête. Donc, on va continuer cette explication-là au prochain cours, Inch'Allah. Des fois, quand le sujet est trop intéressant, on veut plus s'arrêter. Et le tawhid, c'est le plus intéressant de tous les sujets. n'y a pas un sujet qui est plus revivifiant et revitalisant que le tawhid. C'est un sujet électrisant. Ok, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera la suite demain. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.